Je chante la liberté dans mes comptines. Je suis seul contre une armée de robots, comme un musulman à la cantine. Je ne prends jamais de repos, je vais rejoindre mon poteau JB. Mon Gilda, ça fait un bout de temps que t'as face. C'est un bon plan, j'y vais. Il m'a dit, je vais rejoindre mon poteau en cavale. Sous nuit blanche, on a frotté, on a frotté. Et demain c'est dimanche, on va frauder, on va frauder. Hey, un barrage sur le quai, le contrôleur prend la tête. C'est pas le wagon à ton père, fils de pute, commence pas la guerre. S'appelle la police ferroviaire, c'est le bordel. Ma bande en police fait refaire le portrait. Rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. On s'en est sorti avec un rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. Hey. Mais les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. On est sur la route, poteau vise le paysage. Je veux connaître la tournée, t'inquiète, je vais te briefer. Le hall de l'hôtel devient une piste d'atterrissage. Et cet avion de chasse devient mon jet privé. Elle a des kilos de bug, elle est dans le barésie. On dirait un projeton géant. Ça part en massage quand le mini bar est cuit. J'ai commencé par le dos, puis j'ai fini par les cuisses. On reste nous, même pas besoin d'être acteur. On met la paire de chaussettes sur le détecteur. On met la chambre en feu, même si on était que deux. Comme tous les réfractaires, on a des détracteurs. Et les délateurs ont besoin de pouvoir. Ils font appel à la prochaine de cœur. Une Ranger soudain dans le couloir. Je rappelle à la prochaine bébé. Rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. On s'en est sorti avec un rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. Hey, les gars, on sort ce soir. Bac tout renoir, rapza. Mais devant la boîte, comme par hasard, le videur a dit y'a plus de place pour s'asseoir. C'est plus facile quand t'es blanc. Quand tu sors, tu commences à le voir. Il m'a dit si tu veux, tu rentres. Mais c'est pas possible pour les salles noires. J'ai dit approche-t'en l'oreille. Promis, j't'offre un coup. J'ai cassé ma table sur sa tête. Il a eu sommeil. J'me suis fait tacler, et rafler, frapper, taper. Marcher dessus par des feux que appeler pour me ramener et puis rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. On s'en est sorti avec un rappel à la loi, la la la la. Et en garde avant, on a rappé la la la la la la la. Hey. Mais les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que. L'on suit une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas.